les mécanismes du pouvoir. J'ai pris 2 minutes en arrière, puis je marquais ceux qui sont venus à l'idée, là. On a des listes, ça serait facile d'aller, disons, on peut parler de pouvoir militaire, de pouvoir politique, de pouvoir sur la matière, ça peut être intéressant de commencer par ça, de pouvoir sur la mort, on a des pouvoirs surnaturels, il y aurait aussi des pouvoirs de guérison. Daniel, faudra peut-être que je te laisse commencer par une petite définition pour nous situer peut-être sur le mot pouvoir. Oui, bon, premièrement, un pouvoir, si on parle de pouvoir dans le sens occulte ou dans le sens ésotérique, c'est souvent quelque chose qu'une personne reçoit. Un pouvoir, c'est un peu un synonyme d'un don, d'une capacité surhumaine. Le pouvoir, c'est d'être capable de pouvoir. Et c'est pour cela qu'en ésotérisme, en occultisme, on a déformé le terme être capable, pouvoir faire quelque chose, par on a pris le même terme et on désigne par là le fait de posséder quelque chose. Alors moi, si j'ai un pouvoir, ben ça fait peur un peu, parce que là, je prends le terme occulte du mot pouvoir. Et le terme ésotérique, pouvoir faire quelque chose, donc être capable de contrôler quelque chose. Et si on prend le terme occulte, avoir un pouvoir, cela est en accord avec le terme vouloir. Je me demande une définition, là, c'est dictionnaire un peu. Et si on prend le terme pouvoir ésotérique, cela n'a aucun rapport avec vouloir. Quelqu'un qui veut ne peut pas nécessairement. Quelqu'un qui peut ne veut pas nécessairement, mais au niveau occulte, c'est-à-dire le pouvoir, celui que la majorité, celui que la population, disons, essaie de posséder, avoir des pouvoirs, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et en ésotérisme, si on a un pouvoir et que ce pouvoir, on s'en sert parce qu'on a un vouloir, on risque fortement de tomber à l'extérieur du petit tunnel de sécurité et de s'accumuler un karma négatif. Tu me parles de pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, c'est une énergie militaire qui peut être sous forme de soldat, qui peut être sous forme d'obus, sous forme de tactique, qui est une force évidente. Ce pouvoir militaire peut amener un karma à celui qui possède le pouvoir militaire. Le pouvoir politique, c'est la même chose. C'est une forme de manipulation, c'est-à-dire que nous pouvons contrôler. Et lorsque nous contrôlons, nous avons pouvoir. Nous pouvons. Si nous prenons le pouvoir sur la matière, on a différentes formes de pouvoir. On a le pouvoir chimique, le pouvoir alchimique, et on a aussi un pouvoir de métamorphose immédiate, style miraculeux. Le pouvoir de guérison, c'est aussi un pouvoir, mais encore là, on a déjà parlé dans les mécanismes de la guérison, je ne me souviens plus exactement du titre de la conférence, des dangers même de ce pouvoir de guérir, parce que la majorité des guérisseurs meurent des maladies qu'ils ont le plus souvent guéries. Donc, il y a une espèce d'onde de retour qui est dangereux. Les pouvoirs sur la mort, pouvoirs sur d'autres choses, c'est simplement le fait de contrôler. C'est important parce que lorsqu'une personne a un pouvoir, c'est qu'elle a la possibilité de contrôler. Mais une personne qui a le pouvoir de quelque chose, a-t-elle le pouvoir de ce pouvoir? Autrement dit, j'ai la possibilité, par exemple, j'ai un pouvoir, je rends en amour tous ceux qui veulent être en amour. Mais est-ce que je contrôle ce pouvoir? Ou si je suis contrôlé par ce pouvoir? C'est le gros handicap de toutes les personnes qui cheminent dans un domaine, non pas tout à fait ésotérique, mais occulte. Et il y a une grande différence entre la voie ésotérique et la voie occulte. La voie occulte, c'est une voie déformée de la voie ésotérique. Ésotérisme qui veut dire caché et qui veut dire aussi ce qui vient de l'intérieur. Et occulte qui veut dire, qui vient d'occultatis, occultam, qui veut dire recaché. Et c'est extrêmement différent parce qu'en ésotérisme, on essaie de trouver ce qui est caché à l'homme et on essaie de le dévoiler à l'homme petit à petit selon ce que l'homme peut absorber. Et l'occultiste tend à prendre ce qui est dévoilé et à le recacher pour donner du mystère, de façon à manipuler ceux qui normalement pourraient avoir accès. Et c'est le problème des sciences occultes par rapport à l'ésotérisme. Souvent, on mélange les deux. On a le salon des sciences occultes où on va avoir des personnes qui tirent aux cartes. Et on a des ésotérismes qui tirent aux cartes. La différence entre un et l'autre, certains sont habillés en veston ou sont habillés normal, et au niveau des sciences occultes, alors on a un turban, une grosse émeraude, on rend mystérieux le mécanisme qui est normal. On a des médecins qui se servent de radiesthésie pour diagnostiquer des maladies. Et un occultiste, alors là encore, c'est tout un paquet de grosses affaires. Touche pas à mon pendule, c'est ici, c'est ça, puis une certaine forme, puis tout un grand rituel qui tend à occulter, c'est-à-dire à cacher, à camoufler. Le pouvoir occulte, c'est un pouvoir que tout le monde a, mais qu'on essaie de soutirer à tout le monde pour se l'approprier, nous, de façon à être respecté ou à être reconnu par les autres. Et si on parle du même pouvoir d'une façon ésotérique, c'est un pouvoir que tout le monde a, mais tout le monde n'est pas accrédité à s'en rendre compte, et le rôle de l'ésotérisme, c'est de faire en sorte que ceux qui peuvent voir, voient. Le rôle de l'occultisme, c'est de faire en sorte que ceux qui voient ne voient plus. C'est extrêmement différent. Donc, si nous prenons, par exemple, moi, j'ai le pouvoir de guérir. Mais est-ce que j'ai le pouvoir de contrôler mon pouvoir de guérir? Est-ce que je guéris tous ceux qui sont malades, faisant fi de leurs leçons qu'ils pourraient apprendre avec leur maladie, de leur karma qu'ils sont en train de régler avec leur maladie, des leçons qu'ils donnent à d'autres, de désir propre d'être malade, une personne qui est sur l'accident de travail et qui ne veut pas retourner travailler, qui préfère rester malade en soutirant un peu d'argent. Alors, si j'ai le pouvoir de guérir, est-ce que je contrôle ce pouvoir? Donc, est-ce que j'ai le pouvoir le plus important, celui de me contrôler? Si nous prenons le pouvoir, la démarche occulte, je veux voir l'aura. Lorsque je vois l'aura de tout le monde. Mais je n'ai pas le pouvoir sur ce pouvoir. Donc, lorsque je ne veux pas voir l'aura, une fois que j'ai découvert ou j'ai développé la possibilité de voir l'aura, je suis pris, je vois l'aura. Alors, j'ai de la difficulté à dormir. Chaque fois que je vois quelqu'un, je vois tout le mécanisme énergétique tourbillonnant autour de lui. Et je suis pris par ce pouvoir. Si on prend Uri Geller ou si on prend d'autres personnes qui avaient un pouvoir de télékinésie, donc ils pouvaient faire bouger les choses à distance, ils n'avaient pas pouvoir sur leur pouvoir. Alors de temps en temps, ça se déclenchait tout seul, puis toutes les choses envolaient. L'homme définit le pouvoir par quelque chose qui le différencie de la normalité. Vous avez pouvoir de parole. Bon, on s'en fout, pouvoir de parole, tout le monde là, c'est pas intéressant. On n'est pas venu ici pour apprendre à raffiner le pouvoir de la parole, d'avoir une parole juste, une parole qui ne peut plus être déformée par celui qui écoute. C'est pas intéressant. J'aimerais bien mieux avoir une parole qui démolit des choses ou une parole qui crée des choses. L'homme recherche le pouvoir pour se différencier, c'est-à-dire que l'homme recherche le pouvoir d'une façon égoïque, donc d'une façon plutôt occulte. Il recherche le pouvoir qu'il pourrait, un pouvoir que les autres n'ont pas. Et la démarche évolutive de l'homme tend souvent vers l'occulte, le côté, disons, négatif de la science évolutive. Et normalement, on devrait avoir un pouvoir et s'arranger, non pas pour que tout le monde en bénéficie, parce que tout le monde peut avoir le pouvoir. C'est un problème moral, le fait de « je peux guérir, mais je ne guéris pas ». Pourquoi? Parce que j'aime autant enseigner des choses qui n'ont pas rapport avec la guérison, pour développer ceux que je pourrais guérir, de façon à ce que ceux qui vont survivre puissent à un moment donné être aussi guéris. Si je guéris, je n'aide pas. Je transforme l'apparence, mais je n'aide pas l'être dans sa réalité, dans son intégrité. Alors, si j'ai un pouvoir, je dois avoir le premier pouvoir, celui qui me permet d'avoir des pouvoirs. C'est-à-dire, celui qui rend l'homme suffisamment vibratoire ou suffisamment justifié pour pouvoir recevoir des pouvoirs. Le fait de recevoir un pouvoir, il faut faire attention, tout le monde a en potentiel tout ce que tout le monde peut avoir. La seule chose qu'il y a, c'est qu'entre l'expression d'un pouvoir, il y a l'orgueil, donc le pouvoir occulte. Si je veux posséder quelque chose, une forme de contrôle sur la matière, de façon à transformer la matière sans me servir d'outil, qu'est-ce que je vais bien faire avec ce pouvoir? À qui il va servir? À l'ego ou à l'intelligence chez l'homme? Parce que malgré que vous avez tous un ego, vous avez tous aussi une parcelle en vous qui n'est pas nécessairement égoïque, qui est l'intelligence. Vous êtes intelligent. Intellectuel dans le premier abord et à un moment donné intelligent. Et celui qui a un ego est intelligent. Sauf que l'ego a tendance à s'accaparer de différentes possibilités pour pouvoir régir son expression émotive. Donc, si j'ai peur, Je veux que ce pouvoir me serve contre ce qui me fait peur. Et si tu me fais peur, je te détruis. Si c'est une autre nation, je la détruis. Donc, l'intelligence ne va pas d'une façon égoïque ou émotive. Alors, chaque personne a de l'orgueil et a de l'ego. Mais l'expression d'un pouvoir réel, non pas un pouvoir, disons, donné par accréditation génétique. C'est-à-dire que de temps en temps, une personne vient au monde et elle a physiquement la capacité biologique d'exprimer une énergie, comme Uri Geller et comme d'autres personnes qui étaient télékinésistes. Donc, qui faisaient transformer la matière à distance. Ceux-là avaient une programmation génétique neurologique, c'est-à-dire que chez eux, il était normal, malencontreux, mais normal, d'avoir ce pouvoir de télékinésie. Mais chez la majorité des individus, ceux qui recherchent les pouvoirs le recherchent parce qu'ils croient qu'avec ces pouvoirs, ils seront mieux. Donc, c'est comme l'évolution. On ne veut pas évoluer par intelligence, on veut évoluer parce que cela va nous sécuriser. Et la recherche de pouvoir, c'est le même mécanisme. Sachons bien que le pouvoir, on peut le rechercher en occultisme. En ésotérisme, le pouvoir est un résultat banal de l'évolution. Et il y a une marge entre un et l'autre. Le fait de marcher sur les eaux ne donne pas à la personne le même taux vibratoire que le Nazaréen. Mais celui qui a le même taux vibratoire que le Nazaréen marche automatiquement sur les eaux. Donc, on a un attrait vers le pouvoir parce qu'on s'imagine qu'en ayant les symptômes de l'évolution, on va être évolué. Je peux facilement vous imiter quelqu'un qui est asthmatique et je ne serai pas asthmatique. Je peux vous imiter aussi quelqu'un qui va être ivre et je ne serai pas ivre. Je peux vous imiter quelqu'un qui est handicapé et je ne serai pas handicapé. Alors, le fait d'avoir le symptôme ne donne pas la maladie. Si on pense que pathologiquement, à la longue, le fait de s'imaginer le symptôme donne la maladie, cela est vrai. Mais vous ferai remarquer que ce symptôme arrive par dégradation à devenir vrai. Tandis que l'évolution est supérieure aux symptômes et la maladie est inférieure aux symptômes en taux vibratoire. Donc, si dans ma psychologie, j'ai le symptôme d'une maladie, cela va finir par se dégrader et me donner la maladie. Mais cela ne va jamais en augmentant. Si je crois que je suis en parfaite santé, que je suis malade, ça va me prendre bien plus de temps. Il va devoir falloir que je me sers de mon intelligence, que je prenne des médicaments, que je respire mieux ou que je mange mieux. Il va falloir que je fasse quelque chose pour arriver à une guérison. Si j'ai le pouvoir, si j'ai des symptômes d'évolution, je n'arriverai pas à l'évolution parce que j'ai les symptômes. Les symptômes n'empêchent pas l'évolution. Donc, de temps en temps, une personne qui a les symptômes peut arriver à évoluer. Le symptôme n'empêche pas l'évolution, mais il ne la donne pas. Par contre, l'évolution donne à coup sûr les symptômes de l'évolution. Il y a une différence, comme d'après la première partie que tu viens de nous expliquer, entre le pouvoir et la domination, finalement. On a vu que c'est un peu plus relié à l'occulte. Mais le véritable pouvoir de l'homme, ce ne sera pas justement juste le fait qu'il soit capable de surmonter peu importe la difficulté qui lui arrive. C'est-à-dire que l'homme, en réalité, est un mécanisme, une espèce de canal qui tend à recevoir des vibrations supérieures que l'homme appelle divines. Et ces vibrations, normalement, devraient évoluer jusqu'à la matière pour créer un réceptacle matériel qui va pouvoir recevoir les vibrations sous un autre plan. Alors, on a le corps physique, le corps vital, le corps astral, psychologique ou émotif, le corps mental, et présentement, on a la même énergie, énergie divine, qui crée l'homme, mais dans un plan vibratoire beaucoup plus bas, donc évolué. Et cette énergie, grâce à l'homme, n'a plus besoin d'expérimenter la matière. Elle peut s'arrêter à la tête de l'homme, au niveau du mental de l'homme. Donc, par l'intermédiaire de l'homme, elle expérimente la matière. L'homme est un canal qui est créé par des énergies, disons, divines, pour employer un terme connu, l'homme est un canal créé par des énergies divines, mais qui s'exprime d'une façon planétaire. Donc, de par la vibration limitée par le temps et l'espace de notre planète, l'homme ne peut pas exprimer, pas physiquement, pas dans sa pleine capacité, l'énergie divine qui l'a créée. Il est divin, mais dans un cadre d'expression qui n'a rien de divin. Par contre, sa planétarité, son humanité, le fait qu'il est homme, lui permet de recevoir une énergie qui, sans l'homme, devrait descendre sur la matière pour recommencer à recréer l'homme. Et parce qu'il y a l'homme, l'énergie peut venir sur l'homme, donc elle est capable d'expérimenter la matière sans avoir à devenir matière, parce qu'elle est en contact avec différents plans vibratoires qui vont jusqu'à la matière. Le pouvoir réel de l'homme, c'est celui d'être utile à Dieu. Donc, l'homme a besoin des énergies supérieures, mais les énergies supérieures ont besoin de l'homme. Ils sont en interrelation. Ce sont la même chose, mais dans des expressions différentes. Le fait d'avoir une expression symptomatique particulière de l'évolution, ce n'est pas un pouvoir. C'est un pouvoir dans le sens occulte du mot. Mais le fait d'avoir une expression symptomatique de l'évolution, parce que c'est intelligent, parce que c'est le temps, c'est l'expression ésotérique de l'évolution. Le vrai pouvoir de l'homme, il doit le placer sur la disparition. Je pourrais dire la maîtrise, mais l'ego peut se maîtriser lui-même pour se donner l'illusion qu'il est maîtrisé. Alors donc, l'homme doit placer son énergie, disons, de pouvoir dans l'effacement de l'ego. Prenons un exemple. J'ai le pouvoir de tuer quelqu'un ici dans la salle et je me sens puissant. Alors je sors un revolver et je descends à la personne. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai le pouvoir d'agir un tantinet sur toute l'action, mais c'est la balle de fusil qui est poussée par l'explosion de poudre et il me faut un revolver. Donc, qui a le pouvoir? Exactement comme la personne qui a son arme se sent puissante. Faites-vous attaquer par trois jeunes voyous à un moment donné. Et ces trois voyous viennent sur vous. Vous allez vous cacher, par exemple, dans un couloir d'un édifice, couloir qui permet le passage d'une personne. Alors, vous engouffrez dans ce couloir qui finit en cul-de-sac, c'est épeurant. Mais c'est génial, parce que vos trois voyous vont devoir se présenter un après l'autre. Vous en assommez un, puis les deux autres peuvent même pas passer. Où est le pouvoir? Le pouvoir existe tant qu'ils sont trois, mais il n'y a pas de pouvoir sur aucun de ces individus. Ils ont un bâton, vous leur ôtez le bâton, ils sont plus rien. Une armée attaque, on descend le chef, l'armée est en déroute. Donc, même si chaque soldat sent qu'il a le pouvoir, il a le pouvoir parce qu'il a un uniforme, parce qu'il a une arme à feu, mais ôte lui l'arme à feu puis déshabille-le, puis savoir que le pouvoir, il part avec l'habit et l'arme à feu. Donc, l'homme croit avoir le pouvoir, mais l'homme ne fait qu'exprimer un pouvoir. Et ce pouvoir le manipule plus souvent que l'homme manipule le pouvoir. Celui qui a le pouvoir d'entrer en contact avec les morts, qu'est-ce qu'il fait? Il est assujetti à une énergie mémorielle du monde des morts qui a besoin d'une forme physique pour pouvoir prendre conscience de son existence. Donc, elle a donc une tendance innée à rejoindre un vivant, à le manipuler de façon à ce que lui prête son corps, de façon à ce que la personne, par l'intermédiaire de son corps ou de son énergie vitale en fabriquant un ectoplasme, puisse apparaître dans la matière. J'ai le pouvoir de communiquer avec les morts. Non, non. Tu as le pouvoir d'être assujetti au monde des morts. C'est extrêmement différent. J'ai le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir d'être assujetti plus souvent qu'autrement aux mécanismes de guérison. Parce que le monde te court, non pas parce que tu es intelligent, non pas parce que tu peux parler, mais parce que tu guéris. Le monde se fout carrément de toi. Tu es manipulé par ce pouvoir. Tu devras même te cacher. Et si, par hasard, le fait de passer simplement dans le métro, tu guéris tout le monde, tu ne peux même plus vivre en société. Alors, tu n'as pas le pouvoir. Tu es assujetti par un pouvoir. Le gros pouvoir, celui que l'homme doit développer, ce n'est pas le pouvoir sur la matière. Parce que ce pouvoir va lui être donné automatiquement lorsqu'il aura pouvoir sur lui. Ce n'est pas le pouvoir sur la maladie ou sur la mort. Parce que ce pouvoir lui est donné lorsque l'homme a pouvoir sur lui. Mais quand est-ce que l'homme aura-t-il pouvoir sur lui? Le début de tout ça, c'est le vouloir. Mais le vouloir n'est pas le pouvoir. C'est beau vouloir, mais faut pouvoir. Dieu dit un pas vrai comme ça. Vouloir, c'est pouvoir. Non. Non. Vouloir, d'ailleurs, on en connaît assez d'individus. De toute façon, vous avez tous vécu à un moment donné un état très énergétique où vous vouliez et où vous n'avez pas pu. Hein? Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Vouloir, c'est une espèce de positivisme qui tend à accorder des énergies plus hautes dans l'action que l'ego veut tenter, ce que toi, tu veux faire. Mais si, malgré que tu as suffisamment d'énergie canalisée par ton vouloir, si le temps ne se prête pas à ça, tu ne pourras pas le faire, parce qu'il n'y a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, je le répète, d'intelligent et non pas d'occulte, dans le sens de nos sciences occultes. C'est-à-dire que j'ai pouvoir Prenons par exemple un exemple donné par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On a une personne extrêmement sage qui paraît complètement débile dans le livre. C'est une personne qui est un roi, qui commande. Et il commande tout ce qui se fait. Il ne commande jamais ce qui ne se fait pas. Alors, il a réellement le pouvoir total, qui ne mène à rien. Mais c'est le même pouvoir que l'homme a. J'ai le pouvoir de guérir. La personne meurt de cette manière. La mort, c'est une maladie. Alors, tu n'as pas le pouvoir réel. Tu ordonnes ce qui se passe. Et ça, c'est important d'avoir la majorité de nos occultismes, de ceux qui tirent aux cartes, de ceux qui guérissent, même de plusieurs médecins, c'est d'arriver et de guérir une maladie qui est en voie de guérison. Alors donc, je n'ai rien fait. Mais ça donne l'impression. Tu viens me chercher un conseil, je suis cartomancien, et le fait de discuter un peu avec toi, je te jauge parce que je suis psychologue, et à un moment donné, ben, j'arrive à pouvoir te donner le conseil que tu veux. Et ça, c'est un mécanisme normal, disons, d'opportunité. Et la grande majorité des pouvoirs de l'homme, c'est cela. On peut faire pleuvoir lorsqu'il pleut. L'homme peut arriver à manipuler le climat. L'homme peut arriver à obliger la pluie à tomber lorsque, disons que scientifiquement, cela est impossible. Mais plus souvent qu'autrement, l'homme allait par opportunité. Les sorciers avaient des rhumatismes et présentaient certaines choses, donc ils allaient commencer leur danse, qui devait durer le temps qu'il fallait pour qu'il pleuve. Mais jamais le sorcier n'allait dire à la tribu qu'il va s'essayer, « Bon, vous avez soif, je vais danser. » Non. Vous avez soif, mais vous avez encore commis des choses pas correctes. C'est sûr, il n'y a pas de rhumatisme, il n'y a pas le temps qu'il commence à danser. On rit, mais c'est la majorité des expressions de pouvoir humain. Et à un moment donné, lorsqu'on a suffisamment donné aux sorciers ou qu'on a brûlé les choses pour les dieux, parce que les sorciers n'étaient pas nécessairement égoïstes dans le sens qu'ils voulaient posséder le peuple. Certains sorciers étaient parfaitement honnêtes, mais suffisamment avancés en psychologie pour savoir que s'ils tentaient un essai et qu'ils manquaient leur coup, non seulement qu'ils ne vivraient pas vieux, mais qu'en plus la population paniquerait. Donc certains sorciers étaient suffisamment brillants pour attendre. Certains prêtres aussi l'ont fait. Et lorsque le temps était venu, alors là, c'était le temps de faire ce qu'il fallait pour qu'il pleuve, et à un moment donné, il pleuvait. Cela renforçait la confiance dans notre sorcier, donc donner un pouvoir au sorcier. Pouvoir sur le peuple, pouvoir politique, pouvoir militaire. Le peuple était prêt à se vouer au sorcier parce que le sorcier avait un pouvoir, celui de l'opportunité. D'ailleurs, plusieurs politiciens ont le pouvoir de l'opportunité. Plusieurs militaires ont le pouvoir de l'opportunité. Les guerres se gagnent souvent par opportunité, par intelligence, mais souvent l'intelligence, c'est de voir le trou, de voir l'opportunité qui se présente. Alors donc, le pouvoir, c'est le pouvoir que l'homme doit développer, c'est le pouvoir que développe l'ésotérisme. L'ésotérisme s'attaque à la psychologie de l'homme, c'est-à-dire que l'ésotérisme s'attaque à ce qui empêche l'homme d'avancer. Tandis que l'occultiste s'évertue à grossir ce qui empêche l'homme d'avancer et à mettre mystérieux. On s'attend, par exemple, en ésotérisme occulte, un ésotérisme manqué, lorsqu'on perçoit mal, on appelle cela ésotérisme, ce n'est pas de l'ésotérisme, d'avoir une initiation très mystérieuse avec de l'encens, avec une espèce d'ambiance. Il faut une ambiance. L'ambiance est importante, mais l'ambiance occulte ne fait que nuire. Elle va occulter la personne. Le pouvoir de l'homme sur lui, c'est simplement le pouvoir d'effacer l'orgueil. Qu'est-ce que c'est? Mais cela est simple. Cela est facilement expérimentable par l'homme. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous avoir un pouvoir? Premièrement, il ne faut pas vouloir. Ce qui complique déjà bien les choses. Remarquez que la majorité de ceux qui ont des pouvoirs ne l'ont jamais demandé. Et que ceux qui demandent le pouvoir tentent à se diriger vers l'occultisme. C'est-à-dire, vont créer l'impression d'un pouvoir, vont s'arranger pour convaincre, et ils vont finir par se voir donner par les autres certains pouvoirs. Mais la personne qui a un pouvoir, donc un don, mais ce n'est pas un don parce que tout le monde l'a, la personne qui, par exemple, est guérisseur, peut s'ouvrir une clinique, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer là puis de faire 3-4 stepettes d'un bord, stepettes de l'autre, de se coucher sur le ventre, sur le dos, de péter pour pouvoir que le guérisseur vienne te guérir. Il arrive avec ses grands gants en or, son masque, son turban, la musique, puis tout ça, puis après ça, il guérit puis il te collecte. Bon. Si tu as le don de guérir et que tu crois qu'en ouvrant une clinique, parce que certaines personnes ont la possibilité d'étendre leur énergie vitale, leur magnétisme, de façon à harmoniser le corps vital de l'autre, ce qui va évidemment harmoniser le corps physique. Si ceux-là s'ouvrent une clinique, ou si ceux-là le font de temps en temps, s'ils n'occultent pas leur phénomène, il y a beaucoup de phénomènes karmiques qui risquent de ne pas apparaître dans leur vécu, et ils pourront se servir de cette faculté jusqu'à temps qu'elle disparaisse ou jusqu'à temps qu'elle s'amplifie. Bon. Mais le fait d'avoir, de rechercher le pouvoir, c'est égoïque. Et le gros handicap à l'expression d'une énergie qu'on appelle le pouvoir, c'est l'orgueil. Et le fait de rechercher le pouvoir, c'est un travail mené par l'orgueil. Donc, on fait fausse route parce que ce qui nous force à trouver le pouvoir est justement le frein contre le pouvoir. Et c'est lui qui veut avoir le pouvoir. Le pouvoir politique, c'est une énergie, et la majorité des personnes qui sont politiciens sont obligées d'exprimer leur orgueil. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le peuple n'est pas suffisamment intelligent pour avoir un gouvernement intelligent. C'est pour ça que c'est normal. Par contre, le peuple est suffisamment orgueilleux pour avoir un gouvernement orgueilleux. Donc, on fait le choix. Parce que, prenons un gouvernement intelligent. Alors, on sait que la cigarette, c'est mauvais. Alors, on interdit carrément la publicité sur la cigarette. On interdit de fumer dans tous les lieux publics. Pour commencer, parce qu'à un moment donné, on va carrément interdire la vente de cigarettes. Bon, les émissions violentes à la télévision, on les interdit. On sait que c'est pas bon. Tout le monde le sait, fait qu'on l'interdit. Mais le peuple le sait. Mais le savoir, c'est de l'intellectuel. Être intelligent, c'est de comprendre. Et le peuple n'est pas suffisamment intelligent encore pour avoir un gouvernement intelligent. Gouvernement, on serait premier à payer du monde pour aller descendre, ceux qu'on a élus. Alors donc, un gouvernement intelligent n'est pas encore en place. Le pouvoir n'appartient présentement pas à l'intelligence, il appartient toujours à l'occulte. Nos gouvernements sont occultes. On a la GRC, on a la CIA, on a le deuxième bureau, on a le FBI un peu, on a l'Interpol, on a Scotland Yard, on a l'occulte dans nos gouvernements. Et le pouvoir appartient présentement, dans nos sociétés, à ce qui est occulte. Il n'appartient pas encore à l'intelligence. Mais dans l'avenir, le pouvoir appartiendra à l'intelligence. C'est-à-dire que, au lieu de se créer un pouvoir pour pouvoir être accepté par la population qui, eux, vont canaliser leurs énergies vers nous et nous donner le pouvoir, par exemple, moi, je peux guérir. Et si je convainc tout le monde que je peux guérir, même si je ne pouvais pas guérir, j'ai peut-être suffisamment d'énergie braquée sur moi pour arriver à faire une guérison. Et là, en faisant la guérison, je me convainc et je reconvainc tout le monde. Et c'est la grande fonction du pouvoir occulte, c'est celui de générer une chose non essentielle. Si elle serait essentielle, on l'aurait. L'air est essentiel, on en a. Et de s'arranger pour avoir une population croyante, donc énergisante, de façon à me donner la possibilité de faire ce que j'ai à faire. Je vais vous donner une petite explication de ce pouvoir de guérison ou de ce pouvoir de croyance. Si présentement, nous sommes ici dans une assemblée et nous avons comme Dieu Mammon. Et je suis le représentant de ce Dieu. Et je vous dis que Mammon peut guérir. Alors, y a-t-il quelqu'un de malade dans la salle? Quelqu'un se lève, titubant, il est malade. Alors, je l'assois ici, je fais quelques cérémonies histoire de bien placer tout le monde dans la longueur d'onde de la croyance. Je demande à Mammon de guérir, donc tout le monde vient simplement créer un égrégore, c'est-à-dire que tout le monde vient par la foi énergiser ce que je suis en train de faire et nous allons canaliser toutes nos énergies. Et c'est pour ça que la prière en commun a certains résultats. C'est une canalisation d'énergie qui fabrique un réceptacle dans l'astral, dans lequel l'énergie de l'assemblée se voit placée. Et si quelqu'un peut prendre cette énergie et s'en servir, il a un pouvoir. Un pouvoir donné par l'occulte. Un pouvoir qui demande la croyance. Ce n'est pas un pouvoir intelligent. et je vais revenir sur qu'est-ce que c'est le pouvoir intelligent. Donc, notre personne va se servir de ce canal, et ça, on a vu ça dans plusieurs religions, qui ont commencé et qui, à un moment donné, ont pu opérer des guérisons. Soit que dans les premiers temps, on avait des personnes qui faisaient semblant d'être malades ou d'être handicapées, et qui, par après, évidemment, étaient guéries. Mais à un moment donné, on a pu guérir des vrais malades, parce qu'on avait suffisamment d'énergie dans notre astral pour que la personne, le prêtre, au nom de maman, par exemple, et dynamisé par l'Assemblée, puisse mettre cette énergie dans la personne malade et la guérir. Mais après 4, 5, 6 guérisons, il n'y en a plus de guérisons. Pourquoi? Parce que l'énergie a servi. Il n'y en a plus. Et comme les croyants de cette religion se sont rassemblés par rapport à la guérison, par exemple, une guérison spirituelle, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au lieu de prendre patience pour recréer l'égrégore, on essaie de puiser dans l'égrégore qui n'existe plus pour continuer à faire des guérisons. Et le pouvoir a disparu. Seule reste la croyance dans ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'intelligence de refaire ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai, comme dans l'exemple que tu viens de donner, que si dans la salle ici, tu ferais une chose comme ça, automatiquement, il y a comme une loi universelle qui fait qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être malade d'une autre maladie, peut-être dans la salle, comme déséquilibre d'énergie? Non. De la façon, comme je viens de l'expliquer, si nous suscitons un égrégore dans l'astral, personne ne sera malade. Tout le monde peut se sentir un petit peu plus faible, mais personne ne sera malade. Si par contre j'ai la possibilité de capter de l'énergie, vitale de l'Assemblée sans leur demander permission et la canaliser sur quelqu'un, c'est possible que là on a une personne qui avait déjà une maladie, qui était déjà pathologiquement atteinte et qui tout d'un coup se voyant vider d'un peu plus d'énergie vitale, la maladie s'éclaire. Bon, instantanément ou encore en différé. Mais ça, c'est un mécanisme qui va exister dans plusieurs formes de sectes surtout. Mais lorsqu'on a une religion, c'est-à-dire que le catholicisme peut appeler cela une secte, mais qu'est-ce que c'est qu'une secte? Une secte, une religion qui contient 1000 personnes, 3000 personnes, et quand elle contient 30 millions de personnes, on dit c'est une religion. Ça peut être une secte, hein? Bon. Et si elle contient 1 milliard, c'est le catholicisme qui devient une secte. Alors, ce qui fait que, disons que, lorsque nous avons suffisamment de personnes dans une religion, on n'a pas le problème de rendre quelqu'un malade. Parce qu'on a suffisamment de personnes pour absorber l'énergie, pour la donner. On peut guérir. Si la société voudrait s'y mettre, chaque fois que la société s'y met, certaines choses se passent. Et c'est un pouvoir normal de l'homme. L'homme est un créateur et il a le pouvoir de créer un réceptacle d'énergie pour pouvoir s'en servir. Mais le problème, c'est que l'homme crée le réceptacle, l'homme nourrit le réceptacle par la prière fervente et jamais l'homme n'ose se servir de l'énergie. Il n'ose pas y toucher. Et l'homme a créé et l'homme reste assujetti à ce qu'il a créé. Alors l'homme préfère prier que se servir, mais l'homme l'a créé. Donc c'est un mécanisme très, très, très complexe, mais c'est un mécanisme qui est inhérent à l'homme. L'homme a le pouvoir de créer. Mais hélas, l'homme qui n'a pas pouvoir sur lui n'a pas le pouvoir de se servir de ce qu'il a créé. C'est sûr que si nous parlons un peu de la matière, cela va. Mais quand je parle de pouvoir, disons que l'homme ne peut pas se servir, pouvoir que l'homme lui-même se crée, c'est, je parle de pouvoir beaucoup plus puissant que celui de fabriquer une automobile. Je parle d'un pouvoir qui paraît surnaturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal, il n'est pas naturel dans l'état présent des choses. Mais l'homme crée par la prière, l'homme crée par la foi, l'homme crée par l'espoir, l'homme crée par le positivisme, l'homme crée par les peurs, des égrégores, des formes pensées. Mais l'homme ose rarement se servir de la forme pensée. L'homme préfère l'adorer, parce qu'il en a peur à un moment donné, lorsque cette énergie astrale devient trop puissante. L'homme reste assujetti. Vous avez, l'humanité, créé Satan, créé les forces du mal, comme créé les forces du bien. Mais l'homme n'ose pas s'imposer à Satan. Et l'homme n'ose pas non plus s'imposer aux énergies du bien qu'il a créées. L'homme préfère demander, mais ces énergies-là n'ont pas le pouvoir d'intentionnalité. Si nous leur demandons, elles n'ont pas le pouvoir de nous exaucer. Si nous leur ordonnons, elles n'ont pas le pouvoir de nous résister. Et l'homme a le pouvoir de créer dans l'astral et dans la matière Présentement, l'homme est en train de développer le pouvoir de création dans l'énergie mentale, mais l'homme peut créer, mais l'homme qui n'a pas contrôle de lui-même n'a pas pouvoir de se servir de ce qu'il crée. Il est par contre asservi par ce qu'il a créé. Mais est-ce que l'homme faut qu'il aille participer à la création de cet agrégore-là pour pouvoir s'en servir, ou il peut se servir d'un agrégore qui ne sert pas ou d'un autre sec? Absolument pas. Moi, je rentre chez les bouddhistes et je vois une personne possédée par un démon bouddhique ou par n'importe quelle forme d'entité bavante. Bon. Alors, automatiquement, moi, je sais qu'il est bouddhiste. Donc, il est relié à l'agrégore du Bouddha, même si le Bouddha n'a pas partie de religion, l'homme s'en est occupé. Et je peux, par exemple, m'habiller avec leur cérémonie, avec leurs vêtements. Donc, j'attire à moi l'égrégore de cette religion. Je connais les passages, par exemple, j'ai le livre pour faire l'exorcisme. Donc, en lisant les paroles qui ont été prononcées par immensément de personnes, donc qui sont devenues une clé pour attirer ces énergies bouddhiques, alors je peux exorciser. Je n'ai pas nourri, je n'ai pas servi cette énergie, je m'en suis servi. Et prochainement, sur la planète, un homme va venir, et plusieurs par après, et quand je parle d'un homme, je parle d'un humain, cela peut être une femme comme un homme, et cette personne et ces personnes vont pouvoir se servir de ce que l'humanité a créé dans l'astral depuis que l'humanité crée dans l'astral, depuis avant l'Égypte. Donc, présentement, ce que l'homme doit développer chez lui, ce n'est pas le pouvoir de contrôler son enfant. Ce n'est pas le pouvoir de contrôler ses employés, de contrôler la société, de contrôler des forces militaires, de contrôler la matière, de contrôler la guérison, mais de se contrôler. C'est sûr que ça fait extrêmement banal ce soir de se faire dire que le pouvoir de se contrôler, étant donné qu'on le dit depuis quelques milliers d'années. Mais ce n'est pas parce que nous avons dit quelque chose depuis des milliers d'années que c'est faux. Ce n'est pas non plus que c'est vrai. Donc, si je le redis ce soir, c'est tout à fait neuf. Parce que même si c'est vrai, c'est beau être vrai, il faut aussi qu'on le fasse. Il faut aussi se contrôler. Et qu'est-ce que c'est se contrôler, c'est-à-dire qu'est-ce que contrôler l'ego? Ben, cela ne veut pas dire de lutter contre. Tout à l'heure, je te disais que l'ego ne doit pas se contrôler, parce que l'ego peut donner l'impression à lui-même qu'il se contrôle lui-même. À un moment donné, l'homme, dans sa conscientisation, dans sa démarche évolutive et dans sa démarche expérientielle, ce qu'il vit quotidiennement, l'homme se transforme. Et qu'est-ce que l'homme doit faire pour découvrir qu'est-ce que l'homme doit faire pour arriver à désénergiser son orgueil et son ego? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir le pouvoir sur lui? Il aura le pouvoir sur le reste. Bien, c'est simple. L'homme doit prendre conscience, simplement, c'est très simple, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on charge 7$ à l'entrée ici, c'est tellement simple qu'on ne peut pas charger plus. C'est extrêmement simple, c'est que lorsque l'homme prend conscience que ce n'est pas lui qui fait, mais que c'est fait, ou que quelque chose d'autre fait par l'intermédiaire de l'homme, l'homme désénergise son ego. L'homme perd l'orgueil. Et lorsque l'homme prend conscience qu'il n'est coupable de rien, jamais, on a des formes de philosophie qui disent que vous êtes pécheur de naissance. Même avant de naître, j'étais déjà pécheur. Bon, c'est de votre faute. Et puis, repentez-vous toute votre vie de ce que vous ne savez pas. Mais croyez-moi, vous êtes pécheur. Bon. Mais en réalité, l'homme doit prendre conscience qu'il n'est coupable de rien. Si nous prenons, par exemple, un handicapé mental, j'ai déjà dit que la planète Terre était une espèce d'immense hôpital psychiatrique. Bon. Alors, disons qu'on va prendre un handicapé mental réel par rapport à la normalité. Et l'handicapé mental s'amuse avec une petite tortue et joue comme si c'était un auto. Bon, et il use la tortue. Alors, on peut lui en donner plusieurs tortues, évidemment, soit qu'il s'en sert comme hamburger, ben non, soit qu'il s'en sert comme auto. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il est responsable? Qui est responsable? Celui qui lui donne la tortue ou lui qui joue avec la tortue? Alors, battre, chicaner, punir, sévir sur l'handicapé qui n'a pas la programmation neurologique lui permettant de comprendre, c'est une absurdité écologique. Donc, on ne donne plus de tortue. Mais si lui trouve des choses dans son hôpital, par exemple, il brise les rideaux, il mange le matelas, il va pas aux toilettes, il va dans sa chambre, dans la chambre du voisin, il crie à 3 heures, il hurle à la lune ou n'importe quoi. Mais on le laisse faire. On le place dans un endroit particulier pour lui, mais on ne peut pas le chicaner, on ne peut qu'essayer de le comprendre pour essayer de voir si on ne pourrait pas augmenter ses capacités neurologiques. Donc, transformer sa programmation, le rôle de la psychologie, de la psychanalyse, transformer le degré vibratoire de son cerveau, le rôle de la médecine chimique, c'est ce qu'elle va opérer, des électrochocs, du foie, des médicaments comme le Haldol, toutes les antipsychotiques, vont essayer de transformer le contact humain, transformation encore vibratoire, qui peut amener une transformation neurologique, mais on ne peut pas rien faire d'autre, donc on comprend. Ils ne sont pas responsables. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre de leurs actes. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils l'ont fait. Mais qui ici peut expliquer pourquoi il fait des conneries? Personne. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez mal fait. Ça, c'est l'apanage de l'intelligence. Vous pouvez vous culpabiliser. Ça, c'est l'apanage de l'astral, de l'inintelligence humaine. Si vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez la possibilité neurologique, vibratoire, émotive, de faire cette chose. Sinon, vous auriez fait d'autres choses. Et ce n'est pas de la faute de l'homme si l'homme fait des conneries. C'est la faute de la morale humaine de voir que c'est une connerie et de culpabiliser la personne de façon à ce qu'elle ne refasse plus la connerie, qu'elle comprenne ou non. Et c'est là le problème. Faut que vous compreniez. Vous apprenez, vous constatez, vous expérimentez que vous venez de faire une connerie. C'est une chose. L'intelligence vous permet de comprendre. Mais si votre énergie d'intelligence, votre énergie mentale, au lieu d'être canalisée dans le fait de voir comment ne pas refaire et d'étudier les effets de votre acte, si cette énergie est placée dans la culpabilité, vous ne pourrez pas comprendre. Vous allez pouvoir regretter et vous promettre de ne pas le refaire, ce qui ne vous empêchera pas de recommencer. Sauf si vous en avez une peur culpabilisante extrême. Donc, l'homme doit simplement, premièrement, se prendre bien conscience qu'il ne doit pas faire de conneries, mais que lorsqu'il en fait, ce n'est pas de sa faute. Lorsqu'il se culpabilise, c'est de sa faute. Mais vous faites quoi? À un moment donné, vous buvez trop. Vous vous chicanez, mais non, vous embrassez votre patron. Je sais pas, vous êtes chaud. Mais vous faites des choses typiques de l'énergie de votre état. L'état d'alcoolisme. Ou l'état pris par l'alcool. D'ébriété. Vous faites quelque chose en rapport avec cela, mais ce n'est pas de votre faute. Parce que le canal, vous, l'homme, exprime en déformant l'énergie supérieure, et cette expression sort comme elle sort. Elle peut sortir avec une voix bizarre, elle peut sortir de bien des façons. Lorsqu'une personne commet un acte criminel, il est manipulé, c'est-à-dire qu'il exprime de l'énergie. Elle peut être de l'astral sociétaire, l'énergie motive dans la mémoire de la société. Elle peut être générée par son astral personnel, l'éducation qu'il a reçue, tout ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, cela aboutit par un acte criminel. Mais on ne peut pas punir la personne, on ne peut que détruire le canal. La peine de mort, donc on détruit le canal qui exprime mal les énergies divines. Ou encore, on reprogramme le canal. On appelle ça de la rééducation. Mais évidemment, plus souvent qu'autrement, à l'université du crime, la prison, on rééduque pas, on éduque. Pour que tu puisses commettre d'autres crimes. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne n'est pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de rien de ce que vous faites. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir comme responsabilité, disons, ce que vous faites. Laissez-moi bien vous expliquer ceci. Dans les pièges du karma, une conférence que j'ai déjà faite, j'explique suffisamment bien le rôle du karma et le gros karma de l'homme, le karma relatif. Celui que l'homme s'impose lui-même de par sa morale culpabilisatrice. Et on n'a pas besoin de ça. Si les énergies du karma, donc, comme j'expliquais, si vous vous donnez un coup de marteau sur la main, ben ça se fait mal. C'est un karma immédiat. Mais si vous vous donnez un coup de marteau et vous manquez votre coup et vous décidez que j'ai mal pareil, ben vous vous punissez vous-même, quand dans la réalité, il n'y a aucun karma relié à l'acte que vous avez fait. Moi, je pense quelque part, je ne connais pas les personnes. Je vois une personne qui est handicapée ou qui est âgée avec deux gros paquets. Alors, je m'offre de lui aider et ça l'insulte, puis ça lui fait tellement peur qu'elle fait une crise de cœur, elle meurt. Elle avait peur que, bon, que j'étais violent. Là, vous vous sentez coupable. Mais il n'y a aucun karma relié à votre acte. Même si vous l'avez tué. Parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Et si vous vous culpabilisez, ben là, il y a un karma relatif, celui que vous vous imposez vous-même. J'aurais donc pas dû acheter un ballon à mon fils, et en courant après le ballon, il s'est fait tuer. Mais ça vous regarde pas. C'est pas responsable. Ça vous regarde pas du tout. La seule chose, la vie va s'occuper elle-même de vous ajuster. Ce qu'on appelle la loi du karma. Mais l'homme n'a pas besoin de se culpabiliser. L'homme doit par contre prendre conscience de ce qu'il fait. Mais pas se culpabiliser. Il devrait se féliciter d'avoir pris conscience qu'il vient de faire une gaffe. Et non pas se culpabiliser de se rendre compte qu'il a fait une gaffe. Parce que là, c'est vrai que plus vous êtes niaiseux, plus vous êtes heureux. Parce que moins vous prenez conscience que vous faites des gaffes, moins vous êtes coupable. Vous sentez bien. Tout ce que l'homme fait, l'homme le fait parce qu'il est dans l'énergie de le faire. Soit qu'il est manipulé par une énergie astrale, soit qu'il est manipulé par une énergie divine. Mais vous n'êtes pas responsable de vos actes. Les questions qui vont venir, la deuxième partie, ça va être, si je peux être responsable de mes actes, je peux-tu faire n'importe quoi? Bon, mais posez-la, je répondrai à la deuxième partie. Quand on dit, Daniel, que bon, la parole crée l'événement, ça veut dire que à ce moment-là, il y a un pouvoir de déprogrammer un individu, finalement. Il y a un pouvoir de déprogrammation. Oui. Premièrement, tout à l'heure, on expliquait que l'homme, le seul pouvoir que l'homme a réellement, disons, c'est le pouvoir de créer et le pouvoir de laisser passer l'énergie. On en est arrivé à expliquer que l'homme n'était pas responsable, simplement que l'homme doit, pour désénergiser son ego, prendre conscience que ce n'est pas son ego qui agit. Son ego déforme l'énergie qui veut s'exprimer, mais ce n'est pas elle qui agit. C'est exactement comme si tu avais une bille qui roule dans un sens et une bille qui roule dans l'autre sens. Alors ça, c'est l'énergie intelligente, ça, c'est l'énergie de l'ego. Si les deux billes se frappent et que ça s'en va par là, l'ego dirige. Donc, l'ego fait. Mais dans la loi, dans les lois planétaires, si les deux billes se rencontrent, elles s'en vont par là. Donc, l'ego n'a rien dirigé. Il a déformé. Ce que l'ego veut exprimer n'est jamais exprimé comme l'ego le veut. Hein? C'est rare en tabarouette que vous exprimez quelque chose que vous voulez puis que ça marche exactement à 100% sans qu'il y ait rien. Parfait. C'est rare, ça arrive jamais. Et l'énergie intelligente est déformée aussi. Donc, l'amalgame de l'ego de l'homme et de l'énergie intelligente de l'homme crée une déformation qui s'exprime comme on l'a sur la planète. Mais ce qui sort n'est pas la faute de l'homme. L'homme n'a pas pu prévoir ça parce que l'homme n'a pas suffisamment d'intelligence conséquentielle pour comprendre ce qui va arriver. Et lorsque l'homme en aura suffisamment, il n'y aura plus d'ego, puis l'énergie pourra circuler directement. Et l'homme sera disons, plus divin qu'il l'est présentement. Quand tu parles de l'ego qui est désénergisé, là, un ego qui est désénergisé, est-ce qu'il est vibratoire? Oui. Le problème qu'il y a, c'est que l'ego peut s'énergiser en se disant qu'il est imbécile, qu'il est incapable, qu'il ne peut rien faire et qu'il a peur de tout. Et lorsqu'une personne vient lui piler dessus, c'est lui qui s'en veut. Lorsqu'une personne la vole, elle se laisse faire parce qu'elle s'en veut de ne pas être capable de rien dire. Mais c'est aussi orgueilleux parce qu'elle a peur d'essayer, de peur de manquer son coup. Donc c'est de l'orgueil. Et lorsque la personne va au-devant de tout, elle peut être extrêmement orgueilleuse aussi. Et lorsque que l'ego, disons, est désénergisé, c'est que tu es l'énergie intelligente circule mieux. Tu as donc le pouvoir sur toi. Ce qui, selon, disons, la capacité ou selon la grosseur de ce pouvoir sur toi, de cette vibration divine qui va t'habiter, et non pas la vibration humaine, la vibration divine, c'est évident que quand tu deviens divin, tu n'es plus humain pantoute. Bien évident. Tu es supérieur à l'humain, par contre. Alors, ce qui va arriver, c'est que si quelqu'un te vole, eh bien, il y a plusieurs problèmes, il ne volera pas. Il ne pourra pas te voler. Pendant le matin, enfin, je ne vais pas expliquer tout ce qui se passerait, mais une chose qui est certaine, c'est que même s'il aurait réussi à prendre ton argent, quand il va vouloir la dépenser, il n'aura plus l'argent. Alors, ce qui fait que même si tu n'as pas, tu désénergises ton ego, tu gardes l'intelligence. Et si tu veux refouler ton ego, c'est pas la même chose du tout. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas en luttant contre l'ego. L'ego va se donner l'impression d'être bien. Ah, je sais que Dieu fait tout par moi, puis présentement, Dieu me demande d'aller battre le voisin. Parce que le voisin ne veut pas se plier aux ordres de Dieu. Ça, c'est de l'ego, ça se passe pas une énergie divine. Dieu va s'occuper du voisin en son temps. Mais l'homme doit s'occuper de lui. Et l'homme n'a pas à s'occuper d'autrui. Pas d'une façon à les rendre spirituels ou divins. Le pouvoir de l'homme, c'est d'arriver à se contrôler. En attendant, l'homme a un pouvoir inhérent à sa divinité énergétique, celui de créer. Et ce qu'il crée, ce sont des égrégores. Et l'homme accepte de servir l'égrégore au lieu de se servir de l'égrégore. L'autre pouvoir que l'homme a, c'est celui de désénergiser son ego, donc de devenir un canal à l'énergie qui, elle, est intentionnelle, donc à l'énergie, disons, divine. Et si l'homme désénergise son ego en prenant simplement conscience que ce n'est pas lui qui agit, mais qu'on agit par lui, et qui agit par l'homme? Des forces plus basses que l'homme, des forces plus hautes que l'homme. Et discerner entre l'une et l'autre, évidemment, c'est un travail qui va découler de l'intelligence de l'homme et non pas de l'émotion de l'homme. Un autre pouvoir, peut-être qu'on pourrait penser, c'est l'homme qui est important pour l'homme et qui a de la difficulté à faire, c'est le pouvoir de se projeter de plus en plus dans la matière, de s'impliquer dans la matière. Parce que l'ego vient se placer entre. L'homme qui n'a pas de pouvoir monétaire, l'homme qui n'a pas de pouvoir financier, l'homme qui n'a pas de pouvoir matériel, l'homme qui n'a pas de pouvoir, donc l'homme qui ne contrôle pas, a des problèmes d'ego. On a souvent dit qu'il ne fallait pas être riche. On a maudit ceux qui possédaient la richesse, alors que seuls les riches peuvent exprimer, seuls les riches peuvent avoir des projets, seuls les riches peuvent réellement transformer l'extérieur. Et sauf évidemment s'il y a un orgueil incroyable. L'orgueil s'exprime de tellement de façons subtiles que de commencer, comme la psychologie va le faire, à définir chaque expression de l'orgueil, c'est une perte de temps. Par contre, le fait de travailler, je ne dirais pas l'humilité, parce que l'humilité, c'est une forme d'orgueil. Si on veut travailler l'humilité, c'est qu'on veut s'enorgueillir d'être humble. Alors, quand on est humble et qu'on s'en vante, eh bien, on a réussi. Ce qui est important, c'est qu'on doit simplement, non pas travailler dans une dualité. Donc, passer d'un extrême à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de Bouddha dans sa religion. Lui parlait de la voie du juste milieu. Mais la voie du juste milieu, ce n'est pas une voie qui allie la diplomatie entre, disons, les forces noires et les forces blanches. C'est une voie de synthèse. Ce n'est pas une thèse ni une antithèse, c'est une synthèse. Et la synthèse n'est pas le résumé ou la relation des deux énergies mélangées. La voie du juste milieu, la réelle voie du juste milieu, c'est une voie qui n'est pas dans le milieu. Donc, qui ne voit pas aucun côté. Et quand la personne qui est orgueilleuse travaille l'humilité, elle passe d'un extrême à l'autre. La personne qui est humble et qui sait qu'elle est humble doit toujours lutter contre l'orgueil. Et juste le fait de savoir qu'elle est humble, elle n'est plus humble. Pas réellement. La personne qui désénergise son orgueil ou son ego, celle qui finit par découvrir un mécanisme réel, si vous n'avez pas l'intelligence nécessaire pour fabriquer un réacteur atomique, vous ne vous sentez pas coupable. Vous dites, ben, moi, je suis pas capable. Et tout ce que l'homme fait, l'homme le fait parce qu'il est capable. Et tout ce que l'homme ne fait pas, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas capable. Donc, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'ego de l'homme qui décide. Lorsque l'ego veut faire quelque chose par là et que l'énergie intelligente passe aussi par là, il pense que c'est lui qui vient d'avoir l'idée géniale, qui vient d'affaire, puis ça a marché. Et lorsqu'il veut faire une idée par là et que l'énergie intelligente passe par là, ça crée une divergence. Et là, il comprend pas comment ça se fait qu'il a manqué son coup. Alors, on en revient un peu à Saint-Exupéry et ce roi dans Le Petit Prince qui donnait des ordres bien simples. Il donnait l'ordre, gratte-toi le nez. Voilà. Et je suis exaucé. Il donnait l'ordre, saute sur ton banc. Et voilà, je suis exaucé. Et il donnait l'ordre, garde les bras croisés. Il est exaucé. Et il donnait l'ordre, je veux que la porte soit fermée. Il est exaucé. Lorsque l'homme arrive à faire l'énergie de son père, ou lorsque l'homme arrive à faire l'énergie, à faire la volonté de son père, la volonté de l'intelligence, c'est quoi? On prend le mot père, disons, spirituellement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement cela. L'homme ne fait pas sa volonté. Mais le fait de dire, je ne fais pas la mienne, je fais celle de Dieu. Puis Dieu me demande de... C'est pas ça. Parce que l'énergie supérieure à l'homme est supérieure à l'homme et elle n'exprime pas dans le cadre planétaire des émotions humaines. Elle exprime des émotions divines qui n'ont rien à voir avec l'émotion humaine. Ce sont des émotions, ce ne sont pas des émotions, ce sont des énergies intelligentes, écologiques. Alors donc, il n'y a pas de vengeance dans quoi que ce soit, parce que le cadre planétaire est régi par le cadre planétaire. Et le cadre planétaire qui régit l'homme est régi par des énergies divines. Il est encadré par une loi qu'on appelle le karma. Et tout ce qui se passe sur la planète ne peut pas faire autrement que se passer. Mais malheur, par qui ça se passe? C'est juste ça le problème. Et lorsque l'homme malheur karmiquement, et ce n'est pas à l'homme de venir appliquer le karma. Par contre, c'est à l'homme d'appliquer l'écologie. Si j'ai un bandit qui assassine du monde, ce n'est pas à moi d'appliquer le karma et de le faire souffrir pour qu'il paye. Mais c'est à moi de voir s'il arrête de tuer. Même si, dans l'expression de ces deux mécanismes, il y aurait par exemple peine de mort, cela ne veut pas dire que je suis pour ou contre, je donne un exemple, même si, dans le fait de vouloir faire payer notre criminel, c'est karmique, c'est-à-dire que l'homme essaie d'appliquer le karma, l'homme qui applique le karma paye le karma de l'autre. Et notre société a un karma assez noir. Bon. Et la personne qui a l'intelligence d'éliminer le criminel n'a pas de karma à payer. Même si les deux finalités seraient les mêmes. Parce que dans l'énergie qui était exprimée par les deux personnes, une était de l'énergie carrément astrale, émotive, celle de vouloir faire payer au nom de Dieu, au nom du karma. Hein? Tu dois respecter ton père et ta mère. Alors, tu peux battre un enfant qui ne respecte pas parce que ça fait partie des commandements de Dieu. Par contre, peut-être qu'on a effacé si tes parents sont respectables. Bon. Mais l'homme qui essaie d'appliquer au nom de Dieu ce que Dieu n'est pas assez puissant pour appliquer lui-même, applique ce que Dieu dans le ciel, ce que la création astrale essaie de donner. Lorsque l'homme arrive à être un canal à des énergies divines, il ne part pas en mission. L'homme reste lui-même et par l'exemple, il va enseigner, disons. Mais l'homme ne veut pas enseigner. Sauf si l'homme a pouvoir de parole, sauf si l'homme a pouvoir de guérison, à travers le fait qu'il est un canal, non pas si l'homme a cultivé ce pouvoir. L'homme doit désénergiser son orgueil et son ego, et pour le faire, il doit simplement essayer de constater si c'est lui qui régit tout ou si lui est régi. Est-ce que l'homme a un libre arbitre? On l'a déjà vu souvent encore. Et lorsque vous avez un accident, on pourrait donc dire que c'est parce que vous avez sincèrement désiré un accident. Parce que si vous n'avez pas voulu d'accident, puis vous avez un accident, c'est que vous n'avez pas de libre arbitre. Et chaque fois que quelque chose ne va pas comme vous voulez, 99% de votre vie, c'est une preuve que vous n'avez pas de libre arbitre. Et lorsque l'ego de l'homme se rend compte qu'effectivement ce n'est pas lui, il n'a plus peur. J'ai pas peur de faire un spectacle et de manquer mon coup. L'énergie, j'ai rien qu'à la laisser passer puis ça va sortir. On n'a plus peur. Moins peur. Okay. Plus peur, pour dire québécois. Bon. Tout ce que l'homme a à faire, c'est de s'observer et prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas lui qui fait. Lui, il est un instrument qui permet de faire. Il est un outil qui permet de faire. Si le marteau s'enorgueillit de rentrer des clous, ben lorsqu'à un moment donné, la main du menuisier lâche le marteau, ben le marteau, au beau être bien orgueilleux, ne plantera plus de clous. Et lorsque le marteau veut planter un clou puis que le menuisier arrache le clou, ben le marteau ne plante pas plus de clous. Et lorsque le marteau continue à mal travailler puis que le menuisier sac le marteau poubelle, ben le marteau ne plante pas plus de clous. L'homme essaie de faire alors que l'homme est un outil pour faire. Et lorsque l'homme devient l'outil pour le faire, l'homme exprime des énergies supérieures, et l'homme est une création de ces énergies supérieures, c'est-à-dire que l'homme lui-même est supérieur à ce qu'il croit qu'il est. Et ça, je l'ai répété en masse de souvent aussi, parce que même si certaines personnes ici l'ont apprise, l'ont intellectualisée, ils ne l'ont pas compris. Mais l'homme est supérieur, énormément supérieur à ce qu'il pense. L'homme s'imagine être un être rampant, l'homme est un être debout, et lorsque l'homme sera debout, il sera un merveilleux canal pour des énergies divines. Mais lorsque l'homme va passer son temps à demander du ciel des choses, au lieu de se servir de ce qu'il a pour pouvoir faire ce qu'il a besoin,